À l'occasion de la journée de la brillante étoile, le président du Conseil suprême du nouveau parti socialiste roumain a présenté un article dans le homepage d'Internet. Le président de l'association d'amitié France-Corée et le chef de la formation italienne pour l'amitié et le soutien avec la Corée ont publié les communications. Ils ont exalté la vie sublime et les exploits du général Kim Jong-il qui a consacré tout pour le bonheur du peuple et la réunification du pays et qui a contribué à la paix et à la sécurité du monde.